On a besoin d'espace pour accueillir cette population et cette activité, mais en même temps, c'est une période qu'on appelle le petit âge glaciaire. C'est une période extrêmement rude en termes de climat, où il pleut énormément, on a de très fortes précipitations et on a des inondations très importantes. Du coup, il va y avoir toute une étape d'endiguement de la Saône, qui sont les premiers aménagements faits sur ce cours d'eau pour pouvoir limiter le risque d'inondation, pour pouvoir penser le développement urbain. Donc on va avoir, c'est à cette époque-là notamment, que on quitte la rive droite de la Saône pour aller rive gauche et pour développer les constructions sur la presqu'île. Et après, on aura d'autres développements urbains qui seront notamment le sud de la presqu'île avec le plan Perrache. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais avant, c'était un chapelet d'îles, plutôt marécageux. Et donc, on a remblayé, endigué pour pouvoir conquérir cette zone. Et on a, avec Morand, la conquête de la rive gauche. Et ça, pareil, dans une période relativement intense en termes de pluviométrie. Et où là, vraiment, la question de comment on se développe et en même temps comment on se protège est vraiment la problématique sur Lyon.